qu'il faut pour m'étonner. C'est vrai, il sait me faire sourire, me consoler. Jamais je n'aurais pu penser qu'il s'en irait. Lui, sa vie, c'est l'aventure, la musique et les filles. Tant pis, je le prends comme il est, rien n'est jamais fini. Et s'il revenait, je lui dirais oui. Ça me ferait du bien de le revoir, de me retrouver seule avec lui. Ça me ferait du bien de le revoir, de retrouver nos jeux interdits. Lui, souvent, il a des cris d'amour, il a des mots d'enfant, un jour avec des fleurs, le lendemain. Pourtant, il n'a plus rien de tout ce que j'attends. Ça me ferait du bien de le revoir, de me retrouver seule avec lui. Ça me ferait du bien de le revoir, de retrouver nos jeux interdits. Lui, il dit qu'il n'y a pas de rock'n'roll sans King. C'est vrai qu'il n'existe jamais d'amour sans spleen. Je sais, mais si seulement demain il revenait, lui et moi, ce serait comme avant, même un peu plus. Je crois, je lui dirais je t'aime, tout simplement, comme ça, en me laissant.